attends, il y a un Pokémon aperçu. C'est ça. À la pizzeria, il y a un Pokémon là. C'est Pikachu, Pikachu. Non, viens, il va. Viens, viens, viens. Bonjour monsieur, excusez-moi. On a aperçu un Pokémon dans la pizzeria. Hein? Attends. On a aperçu un Pokémon dans la pizzeria. On avait bien. C'est qui lui? C'est Pikachu. C'est en fait quoi ça? C'est un jeu où on a attrapé Pokémon. Ça en a 5 minutes monsieur. T'attrapes que des pizzas ici hein? Allez. Eh hey, monsieur, bonjour. Monsieur, on vous demande. Dégage. Tu fais quoi? Tu demandes gentiment. Ouais. Pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. Si l'hôpital, on a